Genèse chapitre 43. Or la famine devint fort grande dans la terre. Et il arriva que, comme ils eurent achevé de manger les vivres qu'ils avaient apportés d'Égypte, leur père leur dit, « Retournez-vous-en, et achetez-nous un peu de vivres. » Et Juda lui répondit, et lui dit, « Cet homme-là nous a expressément protesté, disant, « Vous ne verrez point ma face, que votre frère ne soit avec vous. » Si donc tu envoies notre frère avec nous, nous descendrons en Égypte, et t'achèterons des vivres. Mais si tu ne l'envoies, nous n'y descendrons point, car cet homme-là nous a dit, vous ne verrez point ma face, que votre frère ne soit avec vous. Et Israël dit, pourquoi m'avez-vous fait ce tort, de déclarer à cet homme que vous aviez encore un frère? Et ils répondirent, cet homme s'est soigneusement enquis de nous et de notre parenté, et nous a dit, votre père vit-il encore? N'avez-vous point de frère? Et nous lui avons déclaré selon ce qu'il nous avait demandé, pouvions-nous savoir qu'il dirait, faites descendre votre frère, que? Et Juda dit à Israël, son père, envoie l'enfant avec moi, et nous nous mettrons en chemin, et nous en irons, et nous vivrons, et ne mourrons point, ni nous, ni toi aussi, ni nos petits-enfants. J'en réponds, redemande-le de ma main. Si je ne te le ramène, et si je ne te le représente, je serai toute ma vie sujet à la peine envers toi. Que si nous n'eussions pas tant différé, certainement nous serions déjà de retour une seconde fois. Alors Israël, leur père, leur dit, si cela est ainsi, faites ceci, prenez dans vos vaisseaux des choses les plus renommées du pays, et portez à cet homme un présent, quelque peu de baume et quelque peu de miel, des drogues, de la myrrhe, des dattes et des amandes. Et prenez de l'argent au double en vos mains, et rapportez celui qui a été remis à l'ouverture de vos sacs, peut-être cela s'est fait par ignorance. Et prenez votre frère, et vous mettez en chemin, et retournez vers cet homme. Or, le Dieu fort, tout-puissant, vous fasse trouver grâce devant cet homme, afin qu'il vous relâche votre autre frère, et Benjamin. Et s'il faut que je sois privé de ces deux fils, que j'en sois privé. Alors ils prirent le présent, et ayant pris de l'argent au double en leurs mains, et Benjamin, ils se mirent en chemin, et descendirent en Égypte. Puis ils se présentèrent devant Joseph. Alors Joseph vit Benjamin avec eux, et dit à son maître d'hôtel, mène ces hommes dans la maison, et tue quelques bêtes, et la prête, car ils mangeront à midi avec moi. Et l'homme fit comme Joseph lui avait dit, et amena ses hommes dans la maison de Joseph. Et ses hommes eurent peur de ce qu'on les menait dans la maison de Joseph, et ils dirent, nous sommes amenés à cause de l'argent qui fut remis la première fois dans nos sacs, c'est afin qu'ils se tournent et se jettent sur nous, et nous prennent pour esclaves, et qu'ils prennent nos ânes. Puis ils s'approchèrent du maître d'hôtel de Joseph, et lui parlèrent à la porte de la maison, en disant, hélas, mon seigneur, certes, nous descendîmes au commencement pour acheter des vivres, et lorsque nous fûmes arrivés à l'hôtellerie, et que nous eûmes ouvert nos sacs, voici, l'argent de chacun était à l'ouverture de son sac, notre même argent selon son poids, mais nous l'avons rapporté en nos mains. Et nous avons apporté d'autres argent en nos mains pour acheter des vivres, et nous ne savons point qui a remis notre argent dans nos sacs. Et il leur dit, tout va bien pour vous, ne craignez point, votre Dieu est le Dieu de votre père, vous a donné un trésor dans vos sacs, votre argent est parvenu jusqu'à moi. Et il leur amena Siméon. Et cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph, et leur donna de l'eau, et ils lavèrent leurs pieds, il donna aussi à manger à leurs ânes. Et ils préparèrent le présent, en attendant que Joseph revînt à midi, car ils avaient appris qu'ils mangeraient là du pain. Et Joseph revint à la maison, et ils lui présentèrent dans la maison, le présent qu'ils avaient en leurs mains, et se prosternèrent devant lui jusqu'en terre. Et il leur demanda comment ils se portaient, et leur dit, votre père, ce bon vieillard dont vous m'avez parlé, se porte-t-il bien, vit-il encore? Et ils répondirent, ton serviteur, notre père, se porte bien, il vit encore. Et, se baissant profondément, ils se prosternèrent. Et lui, élevant ses yeux, vit Benjamin, son frère, fils de sa mère, et il dit, Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé ? Et puis il dit, mon fils, Dieu te fasse grâce. Et Joseph se retira promptement, car ses entrailles étaient émues à la vue de son frère, et il cherchait un lieu où il pût pleurer, et, entrant dans son cabinet, il pleura là. Puis, s'étant lavé le visage, il sortit de là, et, se faisant violence, il dit, mettez le pain. Et on servit Joseph à part, et eux à part, et les Égyptiens qui mangeaient avec lui, aussi à part, parce que les Égyptiens ne pouvaient manger du pain avec les Hébreux, car c'est une abomination aux Égyptiens. Ils s'assirent donc en sa présence, l'aîné selon son droit d'aînesse, et le plus jeune selon son âge, et ses hommes, mais faisaient paraître l'un à l'autre leur étonnement. Et il leur fit porter des mets de devant soi, mais la portion de Benjamin était 5 fois plus grande que toutes les autres, et ils burent, et firent bonne chère avec lui.